Alors, il faudrait défaire vos cercles, pour qu'on puisse circuler un petit peu entre les cercles. Et vous orienter par ici. Donc c'est Fred qui va être le scribe de cette session. On le fait pas sur un pad, on le fait sur un document en texte, hein, c'est ça ? Ouais. Donc, mais ça sera partagé très rapidement après. Et l'idée, ça va être simplement de faire circuler le micro. Je vais accompagner le micro, je vais être le porteur du micro. Et je vais vous demander simplement de partager la liste, soit groupe par groupe, soit les différentes personnes dans un groupe, selon comment vous êtes organisé. Mais on va faire la liste de ce qu'on a récolté ou ce qu'on récolte aujourd'hui de la fin de nos deux journées de travail. Bien sûr, ce n'est pas la fin du Commons Camp, il y a la soirée, il y a la journée de demain, c'est super important. Et c'est très. On a vu avec la présentation, l'intervention des jeunes, ce qui est sensible et créatif et créé par les gens, c'est au moins aussi important que toute la réflexion qu'on a. Mais on va essayer juste de récolter le résultat de nos discussions d'aujourd'hui et d'hier. Alors, je commence par ici. Est-ce que vous avez. L'idée c'est vraiment de partager la liste des points que Fred peut noter comme étant les points qui sont la récolte de notre rencontre pour l'instant. Donc ce qui a été évoqué ici dans ce groupe, c'est la nécessité de vraiment créer un réseau de commoners, de porter vraiment une attention avec l'accueil des nouveaux commoners et à la fois de la problématique de comment accueillir toutes les personnes qui rejoignent le mouvement des communs et poursuivre des discussions qui ont pu avoir lieu dans d'autres groupes. L'importance de collecter des articles sur les expériences. Donc si vous avez des articles liés aux expériences que vous avez pu présenter ou des notes et des textes, en tout cas de les faire circuler pour pouvoir ensuite, même si c'est en français, être traduit dans d'autres langues. Partager des idées et après, c'était évoqué comme ça. Comment mieux s'organiser aussi au niveau de la traduction, puisqu'il y a eu du coup peut-être des personnes qui ont peut-être entendu moins de la moitié de ce qui a été exprimé en français. Et du coup, il y a une perte importante à ce niveau-là. Et donc, j'ai un effort au niveau de comment gérer la traduction. À la fois, des réjouissances de voir les communs qui sont plus visibles dans la société, d'être plus connectés aussi avec la question municipale. Une réflexion sur la durabilité les enjeux également de l'économie contributive et d'organiser des formes de gouvernance pour gérer les communs en réseau autour de l'économie contributive. Enfin, la question de l'économie populaire en lien avec l'espace public, comment créer les communs dans les quartiers populaires, en particulier dans les espaces publics où il y a des marchés populaires, et organiser les communs avec des groupes qui sont dans l'espace public en train de vendre des choses et créer des organisations avec eux pour à la fois défendre l'espace public et également défendre une autre économie. Enfin, il y a une proposition du groupe juridique pour du coup diffuser l'ensemble des propositions. En tout cas déjà à Lyon, Marseille et Grenoble à travers la plateforme globale pour le droit à la ville qui est du coup une organisation qui donne de la visibilité aux différentes propositions et organisations. Donc c'est déjà le cas à Grenoble, à Lyon et à Marseille et ça peut être notamment pour les prochaines élections municipales et d'autres villes pourraient rejoindre ce mouvement si vous êtes intéressés. Merci David. Alors, Kevin partage aussi les liens vers les différents outils de communication du Forum social mondial de l'économie transformative. qu'on va intégrer dans les dans notre récolte, et donc vous aurez la possibilité de rejoindre les gens organisés. Prochain groupe. Thomas apprécie le fait qu'il y ait des réseaux qui se croisent et se superposent, qui permettent de croiser les pratiques, les agendas, tout ça. Lucie apprécie la possibilité d'entrevoir des alliances et de pouvoir peser ensemble dans les balances politiques, donc ce qui est à construire. Pierre-Alain souligne l'intérêt pour la question de la documentation et du partage pour gagner en visibilité tous. Ce qui retient surtout, c'est le croisement de savoir et d'expérience avec cette possibilité qu'offre le Common Camp de nourrir plus d'alliances et de partager la connaissance. C'est une connaissance qui est partagée. Dans les continuités, ça offre quelque chose qui va être un événement, un séminaire à Marseille sur les outils juridiques qui se fera cette année. Pour moi, Selma, c'est la réflexion sur les médias que j'ai, qui est nourrie, en me demandant que faire pour aller plus loin au niveau des formes de partage des communs, peut-être par le média, tout ça. Yves, c'est la question de la gouvernance et de la démocratie qui l'a intéressé. Il relève l'importance de ce moment de déclaration des lieux intermédiaires de Marseille qui a eu lieu. Et il en découlera, suite au travail de ce matin, qu'elle va s'adresser aux candidats avec en leur partageant cette déclaration. Jean-Baptiste, très heureux d'avoir vécu un forum ouvert avec plein d'idées d'amélioration pour rendre ce type d'événement plus fluide, plus vivant, valorisant, avec l'idée d'avoir une pérennité dans la durée, qui ne soit pas juste événementielle et qui débouche sur la production en bout de chaîne, c'est-à-dire plus de concret. Emmanuelle, elle note l'auto-formation juridique à partir de ses pratiques, question de droit et de rapport à la puissance publique. Oui, toutes ces questions juridiques qui l'intéressaient beaucoup et qui vont donner des choses fructueuses pour la suite. Marie-Laure soulignait l'intérêt qu'elle a eu pour le conventionnement des squats avec les mairies, qu'elle a découvert et qui lui donne envie de creuser le sujet. Et elle a aussi des questions sur la gouvernance, en se disant que beaucoup de groupes abordent cette question et que tout le monde ne connaît pas tous les groupes qui travaillent sur les questions de gouvernance partagée. Et elle soulève la question de créer des portails qui permettent ces gouvernances. Des partages de groupes d'organisation. Alors, qui serait le porteur de voix de prochain groupe ? Merci. Du coup, nous, on a surtout retenu énormément de sujets qui nous ont intéressés et sur lesquels on a envie d'aller creuser. Une ébullition de tout un tas de petits éléments qui font partie de la cause des communs. On a commencé par l'UST avec un jeu collaboratif qu'on a essayé tout à l'heure de Barcelone, et plus généralement la vulgarisation et la manière dont on peut s'approprier la mécanique des communs par le jeu, du coup, et comment on peut du coup la diffuser. Creuser des sujets sur l'université du loup, la bête démocratique, la gouvernance partagée. Les exemples de l'Irlande sur la radicalité dans notre militantisme pour les communs, la manière dont ça peut aboutir, je ne sais pas si je peux bien prononcer, Frian Barnett and Loco. Ouais, ce sont des exemples qui nous ont inspirés, sur lesquels on a envie de creuser et de voir comment ça pourrait être appliqué ici. La démarche d'exporteur qui est sur l'économie informelle et la solidarité qui peut en découler du coup et qu'on peut s'approprier collectivement. Creuser sur toutes les émulsions dont on a aperçu certaines facettes à Barcelone et notamment sur William Yen sur l'évaluation des initiatives du coup et leur valorisation au niveau les puissances publiques. Voilà, on a peu s'occupé. Merci Jocelyn. Il y a-t-il un autre groupe? Je ne sais plus combien il y avait de groupes qui s'étaient composés. Est-ce qu'il y a... S'il n'y a pas un autre groupe, est-ce qu'il y a... Mathieu? Allô? Ok. Il y a tellement de pistes d'action possibles après les conversations des deux derniers jours. C'est ridicule. J'ai une petite liste que je vais lire. La gang de Texidora, je le dis tout comme du monde? Texidora. Texidora et moi, on parlait de leur outil de collecte d'informations en temps réel. Fascinant comme bébelle, si vous n'avez pas été voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a eu quelques conversations de « Oh, on pourrait peut-être faire telle chose et telle chose. » C'est une conversation à suivre pour potentiellement améliorer l'outil. Vraiment cool. J'ai aussi joué au jeu, tantôt, de l'écrit en quelque part. Attendez. Commons Economy Game. Je veux l'imprimer à Montréal, puis je veux jouer à des parties là-bas. Puis Yves a balancé l'idée, on le traduit-tu en français? Peut-être qu'on va traduire ce jeu-là en français. J'ai eu une conversation avec quelqu'un qui suggère que le jeu de cartes, les cartes en commun, soient potentiellement éditées en français ici. Cette conversation-là, il faut qu'on se synchronise tout après, parce que éditer cartes en commun ici, ça serait magnifique. Une autre conversation pour un Game Making Jam au Forum Social Mondial à Barcelone, peut-être. On pourrait peut-être créer des jeux pendant le Forum Social Mondial à Barcelone. Sur la cause des communs et ainsi de suite. Se doter d'un espace et pendant des heures qu'on crée des jeux. Hein? C'est fou. Okay. Une dernière affaire. Ah oui, puis mon hôte dans l'hébergement solidaire est très intéressé par l'idée de créer un jeu d'intervention hyper local à Marseille. Donc ça aussi, c'est fascinant. Fait que plein d'opportunités de faire des belles choses. Voilà. Super Mathieu. Alors, je sais que Raquel, tu dois nous rapporter quelque chose aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudront prendre la parole, partager quelque chose? Alors, je veux transmettre les conclusions du groupe juridique. Et Selma, elle a déjà parlé de la proposition de faire une rencontre à Marseille pour le printemps pour parler de cas juridiques, pour partager et travailler sur les cas juridiques. Et après, aussi, les juristes, on a parlé, on voulait vous demander pour nous aider à faire une recherche et approfondir dans les outils juridiques, de partager, mais ça se serait public pour tout le monde, mais de partager votre cas, votre défi ou problème juridique de projet. Et pour faire ça, on a laissé sur la fiche bleue, c'est facile à trouver, là, à gauche, et une adresse email de Maria Francesca, du groupe juridique de Napoli, qui sont des super experts qu'on a la chance d'avoir, et aussi un pad où vous trouverez la fiche expérience, la même qu'on a utilisée ici, pour la remplir et l'envoyer dans ce format à Maria Francesca. Et on vous remercie beaucoup si vous pouvez faire ça. Maintenant, en anglais. The conclusions from the legal group are two. One was already introduced by Selma. It's a meeting for studying and working on the legal cases during spring here in Marseille. The other one is the lawyers. We have talked and we would thank you very much if you could share your challenges and problems you have in your projects by sending an email to Maria Francesca's email you can find in this poster here on the wall on the left. And for doing that, so we can have them all in the same format, we will thank you to go to that path you also have in the same paper, you can find there, and introduce the data and send a copy to her email. So we will receive your cases and we will be able to work further on the outlier in the legal tools, okay, that will help all of us go further in this field. And that's it. If anyone needs another language, please say it and we will talk to you. Thank you. Merci Raquel. J'adore ce silence. Alors, on a une information très importante à partager. C'est qu'on va aller à la déviation ce soir. On est assez nombreux à devoir y aller. Et on a beaucoup de demandes de covoiturage. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui ont des offres de covoiturage, si vous avez des possibilités de covoiturage, il faut vraiment le signaler pour qu'on puisse organiser, un maximum de déplacements des uns et des autres. Voilà, donc il y a toujours le tableau qui est là-bas. Il faudra se regrouper autour de ce tableau avant la fin de notre après-midi. Maintenant, je vous propose de vous lever, s'il vous plaît. Donc, de se lever, s'il vous plaît. De prendre votre chaise. Chacun prend sa chaise, au moins une chaise. Comment ? Et avant de danser le tango, on va mettre les chaises de ce côté-là. En les empilant, ça c'est mieux. On va mettre les chaises sur le côté. Et vous avez posé votre chaise, on va refaire le cercle, le grand cercle qu'on avait fait en arrivant. Donc une fois que vous avez posé vos chaises, je vous propose de vous mettre en cercle. Vous pouvez continuer votre conversation, mais en se mettant en cercle autour de la salle, s'il vous plaît. D'accord. Hein ? Alors, alors, une fois que vous avez posé votre chaise, on forme le grand cercle autour de la salle et je vais appeler une personne. Je vais appeler Camus. Est-ce que Camus est dans la salle ? Camus est dans la salle. Camus. Alors Camus a gagné le droit de partir avec les grenoblois à la déviation en covoiturage. Demander, est-ce que Jocelyn est là, s'il vous plaît? Est-ce que Jocelyn est là, s'il vous plaît? Non, Jocelyn n'est pas là. Alors, il n'est pas là, c'est pas grave. Est-ce que Mauro, est-ce qu'il est là? Mauro? Non plus? Mauro? Si? Je pense que ce qui est difficile, c'est de partir sans l'après-midi, sans référencer. Oui, non. soir parce que je préfère que 14h. Alors maintenant, on forme le grand cercle, s'il vous plaît. On forme le grand cercle qu'on avait au début de la journée, hier. Ça va ? Alors, on forme le grand cercle, s'il vous plaît. Merci. On se met en cercle. On se met en cercle, s'il vous plaît. Alima, on va se mettre. Alima et Joël, on va venir. Je vais garder le cercle par là, si vous voulez bien. Oui, on ferme le cercle par ici. Vraiment beaucoup de votre participation. J'ai beaucoup appris des expériences de chacun, et des Marseillais, des Lyonnais, des Grenoblois, et des Irlandais, et des Barcelonais, des Napolitains, et j'ai pas beaucoup parlé hein, avec le Serbe, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est très très riche d'avoir vos expériences. It's very very rich to have your own and different experiences. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir. On vous demande de nous faire un cadeau. On demande particulièrement aux personnes qui ne sont pas de Marseille de nous dire avec quoi est-ce que vous repartez de Marseille. Qu'est-ce que vous retenez? Voilà, avec quoi vous partez? Can you please tell us? It will be a real big gift if you could just tell us so all the persons that don't live here in Marseille. In France, to tell us what are you going back with from here? What sort of things you want to share with us? Or what? No, what do you remember? And what do you want to share from what you will bring with you in your countries? Please, Nicolas. Je porte avec moi l'idée, la réalité d'une communauté large, verte, hétérogène est très très beau. Merci à tous. Et le prochain Commons Camp, nous avons pensé de faire le prochain Commons Camp à Naples. Si vous voulez, vous êtes à Naples. Merci. Tim? The question is, someone that speaks very well English, comment on dit, qu'est-ce que tu emportes de Marseille? What do you take back with you from Marseille? I think this feeling of a really strong social society still in France that has been so attacked in England, but here I have the sense that people are really still struggling to make things alive at a local organizing level. That's very impressive, and for me, coming from England, I feel rejuvenated by that. J'essaie de traduire et puis vous m'aiderez. Je suis très impressionné par la manière dont vous faites vivre localement les initiatives à Marseille. Et c'est ça que je vais emporter chez moi. C'est à peu près ça ? Ok, merci. Ok. Yeah, given that I'm coming from Belgrade, from Serbia, and that's kind of far away, I can say that I really benefited a lot from this event because I noticed various nuances that are characteristic maybe of Italian society, and then some differences that are characteristics of French society, and then how law, how many other factors can somehow tie in and make this common struggle different in different areas. And that experience was really great for me. I will definitely spread the word, and probably at some point in the future there will be more exchange between Balkan region and this region here. That's what I anticipate. Yeah, thank you. Pas tout à fait tout écouté très sérieusement. quelqu'un peut m'aider? Alors, de ce que j'ai compris, en fait, il disait qu'il venait de Serbie, qu'il avait beaucoup été impressionné par les partages et les nuances en fait qui existaient entre les différents groupes, et que ce qu'il a fatigué, c'était de repérer qu'il y avait des nuances qui étaient très particulières, soit seulement à l'Espagne ou juste au français, ou voilà, que chacun avait un peu ses façons de fonctionner. Et qu'il il va tout ramener chez lui, il va en parler beaucoup autour de lui, et il espère et il anticipe pas mal de communication entre les Balkans et nous dans le futur. Alors je cherche, parce que là il n'y a que des garçons qui ont parlé, donc je veux bien quelqu'un. Ok. I take home, I already told about that before, but I agree with the use of games as way to enable us to discuss some concepts, words that we may give for granted and that are useful to put into discussion over again. Quelqu'un peut nous traduire ou pas? Elle part avec la question du jeu comme un moyen de poser autrement et discuter autrement des questions qui ont été abordées pour les prochaines fois. Ok, je vais essayer d'être plus sérieux. Alors, on va chercher quelqu'un d'autre. Moi, ça a été spécial, les portes et la patience que tout le monde a montré à nous aider à nous exprimer avec notre langue, le fait de pouvoir utiliser plusieurs langues. Et plus personnellement, le quartier de la Verdemais, que je prends avec moi. Maria Francesca. Moi, je suis Maria Francesca, je suis aussi de l'asile de Naples. Et bien sûr, je vous attends tous et toutes au prochain Commons Camp. Et aussi, on va faire la performance ce soir de Métamorphose, reading de Kurt. Et on appelle tous les artistes qui sont intéressés à les répliquer à Naples avec nous. Ils peuvent venir et nous en organiserons ensemble. Et ce que j'emporte à Naples, c'est surtout d'avoir connu des réseaux, des lieux, des expériences et des outils très différents qui vont nous aider, je crois, nous tous et toutes. Merci. Walter? Yo estoy muy contento de haber conocido a unos cuantos de vosotros. Estas relaciones personales yo creo que son importantes, lo que hace en común, y eso lo llevo conmigo. También ha sido muy interesante ver que con varios grupos hemos trabajado temas de los comunes digitales, que no estaba del todo previsto, pero ha sido muy valioso y hay ganas de seguir con ese trabajo y creemos que, creo que es importante trabajar el lieu intermédiaire, los edificios bajo lo común, las prácticas legales bajo lo común, la práctica de documentación bajo lo común y también las infraestructuras de comunicación bajo modelos del común, ¿no? Y eso llevo conmigo y los muchos edificios del lío intermedia que me habéis enseñado esos días. Alors, je veux bien l'aide de Monica pour le traduire. J'ai entendu que tu disais que tu es très content de la relation avec les gens et que tu as beaucoup apprécié ça et que tu as porté une attention particulière à l'enjeu des lieux intermédiaires et aussi de la question du digital. Mais je veux bien une précision s'il y en a. Non, c'est bon ? Alors, je voulais passer la parole. Je crois que tu n'es pas de Marseille, toi, si ? Alors, j'aime bien que je sais ce que tu ramènes de Marseille. Non, moi je suis arrivée avec beaucoup de questions concernant les liens entre les acteurs publics et les communs, et je pense que ce sujet a été abondamment traité pendant toute la journée, donc c'est extrêmement riche de voir que, enfin, en tout cas ce que je sous-estimais, c'est à quel point les communautés des communs se posent tous la question de comment est-ce qu'on améliore nos liens avec les institutions. Et dans améliorer, il y a un bon rapport de force, un bon rapport de discussion, des termes communs, des espaces-temps communs. Et donc c'est super enrichissant de voir que tous, dans nos cultures institutionnelles et administratives différentes, on a cette question-là, quoi, on jardine cette question-là. Et du coup, ça fait plein de trucs à partager. Et après, peut-être une interrogation avec laquelle je repars, mais plus en termes d'organisation de ce temps de rencontre. Moi, ce que je trouve super riche, c'est qu'on croise à la fois des questions, on va dire, un peu méta, de collectif qui se posent des questions de structuration, etc., et puis des questions plus d'action, et qui sont liées aussi à la ville qui nous accueille, et aux acteurs qui, du coup, nous ouvrent un peu à capot ouvert leur réflexion du moment. Et ça, je trouve ça super riche. Parfois, ça se chevauche un peu, et ça n'arrive pas forcément à se mettre en synergie, parce que, du coup, c'est des niveaux de discussion qui sont différents. Mais en même temps, je trouve ça aussi très, très enthousiasmant. Donc, voilà, merci aux Marseillais d'avoir... de nous avoir fait un peu rentrer dans la dynamique et dans les luttes en cours ici. Ça donne une énergie en plus que si c'était juste un niveau de discussion académique, entre guillemets. Voilà. Daniel. J'ai parlé espagnol, mais français n'est pas bon. Venimos de Barcelona en Comú. Hemos venido tres personas y queríamos agradecer, ver que aquí hay proyecto municipalista en crecimiento. Por lo que hemos entendido, por desgracia, no va a haber opción a que se pueda votar esta opción municipalista en estas próximas elecciones. Pero bueno, lo que diríamos, lo que es un caldo de cultivo, lo que es... es un bouillon de culture. Alors, Daniel, il vient de Barcelone en commun. Il vient d'un groupe de trois personnes, c'est ça ? C'est un groupe de trois personnes, pas de 15 personnes. Ils sont venus à trois, de Barcelone en commun. Ils ont réalisé qu'ici, il n'y a pas une option municipaliste immédiate pour la ville, pour le futur de la ville de Marseille. Y bueno, que más que nos llevamos los contactos, las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer en persona, queremos también transmitir la voluntad desde Barcelona a el apoyo de la experiencia que hemos acumulado en estos 4 años de experiencia de gobierno y 2 elecciones municipales, que por suerte han sido victoriosas, para que las aprovechéis, para que nos preguntéis, para que contéis con nosotros a través de la red municipalista. Y que no es solo gracias, todo el mundo. Et donc il propose de soutenir que Personnes en commun puisse soutenir si vous avez des questions, si vous avez des besoins. Personnes en commun est volontaire pour soutenir les efforts de, à travers le réseau municipaliste, d'aider les groupes qui veulent progresser vers des élections municipalistes, des élections de liste municipaliste. Alors, je voudrais finir par un Nord-Américain. Je suis content parce que quand on a commencé à préparer, parce que je suis dans l'organisation, c'est toujours un regard différent, puis je suis arrivé à Marseille très confiant que l'énergie était là. Vous aviez une énergie, une faim, je dirais même une faim de vouloir faire des choses, et puis ça c'est très agréable lorsqu'on organise quelque chose, puis on sait que les gens veulent. Ça c'est important, je suis parti. Et ça, vous avez confirmé le sentiment que j'avais, ça c'est une première chose. Et je reviens aussi avec c'est toujours un décalage, on vient de l'extérieur.